tu commences à regarder l'organisation de ces mondes-là, il s'aperçoit d'une chose qui est suffisamment intéressante pour être remarquée. C'est qu'il s'aperçoit qu'il y a dans l'invisible un être pour chaque homme et cet être-là le surveille constamment. Constamment. Chaque homme a un être qui le surveille constamment dans la maison. Mais l'homme ne voit pas. Et si l'homme voyait cet être-là qui le surveille constamment dans l'invisible, il verrait que cet être-là fait partie de lui, c'est-à-dire que cet être-là est son intelligence.